Section 5 De Mémoire d'Outre-Tombe, volume 4, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehanne. Quatrième partie, livre deuxième. Mon arrestation. Passage de ma loge de voleur au cabinet de toilette de Mademoiselle Gisquet, Achille de Harlay. Juge d'instruction, Monsieur Desmortiers. Ma vie chez M. Gisquet. Je suis mise en liberté. Lettre à M. le ministre de la Justice et réponse. Offre de ma pension de père par Charles X. Ma réponse. Billet de Mme la Duchesse de Berry. Lettre à Béranger. Départ de Paris. Journal de Paris à Lugano. M. Augustin Thierry. Chemin du Saint-Gothard. Vallée de Schollenen. Pont du Diable. Le Saint-Gothard. Description de Lugano. Les montagnes. Course autour de Lucerne. Clara Wendel. Prière des paysans. Monsieur A. Dumas. Madame de Colbert. Lettre à Monsieur de Béranger. Zurich. Constance. Madame Récamier. Madame la Duchesse de Saint-Leu. Madame de Saint-Leu après avoir lu la dernière lettre à Monsieur de Chateaubriand. Après avoir lu une note signée Hortense. À Rennenberg. Retour à Genève. Copé. Tombeau de Madame de Staël. Promenade. Lettre au prince Louis-Napoléon. Lettres au ministre de la Justice, au président du Conseil, à Madame la Duchesse de Berry. J'écris mon mémoire sur la captivité de la princesse. Circulaire aux rédacteurs en chef des journaux. Extrait du mémoire sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry. Mon procès. Popularité. Paris, rue d'Enfer, fin juillet 1832. Un de mes vieux amis, M. Frizel, anglais, venait de perdre à Passy sa fille unique, âgée de 17 ans. J'étais allé le 19 juin à l'enterrement de la pauvre Elisa, dont la jolie Madame Delesseur terminait le portrait, quand la mort y mit le dernier coup de pinceau. Revenu dans ma solitude rue d'Enfer, je m'étais couché plein de ces mélancoliques pensées qui naissent de l'association de la jeunesse, de la beauté et de la tombe. Le 20 juin, à 4 heures du matin, Baptiste, à mon service depuis longtemps, entre dans ma chambre, s'approche de mon lit et me dit « Monsieur, la cour est pleine d'hommes qui se sont placés à toutes les portes après avoir forcé des brosses à ouvrir la porte cochère, et voilà 3 messieurs qui veulent vous parler. » Comme il achevait ces mots, les messieurs entrent et le chef, s'approchant très poliment de mon lit, me déclare qu'il a ordre de m'arrêter et de me mener à la préfecture de police. Je lui demandai si le soleil était levé, ce qu'exigeait la loi, et s'il était porteur d'un ordre légal. Il ne répondit rien pour le soleil, mais il m'exhiba la signification suivante. Copie. Préfecture de police. De par le roi. Nous, conseillers d'État, préfets de police, vu les renseignements à nous parvenus, en vertu de l'article 10 du Code d'instruction criminelle, requérons le commissaire ou autre, en cas d'empêchement, de se transporter chez Monsieur le Vicomte de Chateaubriand et partout où besoin sera, prévenu de complot contre la sûreté de l'État, à l'effet d'y rechercher et saisir tout papier, correspondance, écrit, contenant des provocations à des crimes et délits contre la paix publique ou susceptibles d'examen, ainsi que tous objets séditieux ou armes dont il serait détenteur. Tandis que je lisais la déclaration du grand complot contre la sûreté de l'État, dont moi, chétif, j'étais prévenu, le capitaine des Mouchards dit à ses subordonnés « Messieurs, faites votre devoir ». Le devoir de ces messieurs était d'ouvrir toutes les armoires, de fouiller toutes les poches, de se saisir de tout papier, lettres et documents, de lire « isse » si faire se pouvait, et de découvrir toutes armes comme il appert au terme du susdit mandat. Après lecture prise de la pièce, m'adressant au respectable chef de ces voleurs d'hommes et de liberté, « Vous savez, monsieur, que je ne reconnais point votre gouvernement, que je proteste contre la violence que vous me faites. Mais comme je ne suis pas le plus fort et que je n'ai nulle envie de me colleter avec vous, je vais me lever et vous suivre. Donnez-vous, je vous prie, la peine de vous asseoir. » Je m'habillai, et sans rien prendre avec moi, je dis au vénérable commissaire « Monsieur, je suis à vos ordres. Allons-nous à pied. » « Non, monsieur, j'ai eu soin de vous amener un fiacre. Vous avez bien de la bonté, monsieur, partons. Mais souffrez que j'aille dire adieu à Madame de Chateaubriand. me permettez-vous d'entrer seul dans la chambre de ma femme ? Monsieur, je vous accompagnerai jusqu'à la porte et je vous attendrai. » Très bien, monsieur. » Et nous descendîmes. Partout sur mon chemin, je trouvais ces sentinelles. On avait posé une vedette jusque sur le boulevard, à une petite porte qui s'ouvre à l'extrémité de mon jardin. Je dis au chef, ces précautions-là étaient très inutiles. Je n'ai pas la moindre envie de vous fuir et de m'échapper. Les messieurs avaient bousculé mes papiers, mais n'avaient rien pris. Mon grand sabre de mamelouk fixa leur attention. Ils se parlèrent tout bas et finirent par laisser l'arme sous un tas d'in-folio poudreux, au milieu desquels elle gisait avec un crucifix de bois jaune que j'avais apporté de la Terre Sainte. Cette pantomime m'aurait presque donné envie de rire, mais j'étais cruellement tourmenté pour Madame de Chateaubriand. Quiconque la connaît, connaît aussi la tendresse qu'elle me porte, ses frayeurs, la vivacité de son imagination et le misérable état de sa santé. Cette descente de la police et mon enlèvement pouvaient lui faire un mal affreux. Elle avait déjà entendu quelques bruits, et je la trouvais assise dans son lit, écoutant tout effrayée, lorsque j'entrais dans sa chambre à une heure si extraordinaire. « Ah, bon Dieu ! S'écria-t-elle, êtes-vous malade ? Ah, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il lui prit un tremblement. Je l'embrassai, ayant peine à retenir mes larmes, et je lui dis « Ce n'est rien. On m'envoie chercher pour faire ma déclaration comme témoin dans une affaire relative à un procès de presse. Dans quelques heures, tout sera fini et je vais revenir déjeuner avec vous. » Le mouchard était resté à la porte ouverte. Il voyait cette scène et je lui dis, en allant me remettre entre ses mains, « Vous voyez, monsieur, l'effet de votre visite un peu matinale. » Je traversai la cour avec mes recors. Trois d'entre eux montèrent avec moi dans le fiacre, le reste de l'escouade accompagnait à pied la capture et nous arrivâmes sans encombre dans la cour de la préfecture de police. Le geôlier, qui devait me mettre en souricière, n'était pas levé. On le réveilla en frappant à son guichet et il alla préparer mon gîte. Tandis qu'il s'occupait de son œuvre, je me promenais dans la cour de long en large avec le sieur Léoteau qui me gardait. Il causait et me disait amicalement, car il était très honnête, « Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur de vous remettre. Je vous ai présenté les armes plusieurs fois lorsque vous étiez ministre et que vous veniez chez le roi. Je servais dans les gardes du corps, mais que voulez-vous ? On a une femme, des enfants, il faut vivre. » « Vous avez raison, monsieur Léoteau. Combien ça vous rapporte-t-il ? » « Ah, monsieur le vicomte, c'est selon les captures. Il y a des gratifications tantôt bien, tantôt mal, comme à la guerre. » Pendant ma promenade, je voyais rentrer les mouchards dans différents déguisements comme des masques le mercredi des cendres à la descente de la courtille. Ils venaient rendre compte des faits et gestes de la nuit. Les uns étaient habillés en marchands de salade, en crieurs des rues, en charbonniers, en forts de la halle, en marchands de vieux habits, en chiffonniers, en joueurs d'orgue. Les autres étaient coiffés de perruques sous lesquelles paraissaient des cheveux d'une autre couleur. Les autres avaient barbe, moustache et favoris postiches. Les autres traînaient les jambes comme de respectables invalides et portaient un éclatant ruban rouge à leur boutonnière. Ils s'enfonçaient dans une petite cour et bientôt revenaient sous d'autres costumes, sans moustache, sans barbe, sans favoris, sans perruque, sans hotte, sans jambes de bois, sans bras en écharpe. Tous ces oiseaux du lever de l'aurore de la police s'envolaient et disparaissaient avec le jour grandissant. Mon logis étant prêt, le geôlier vint nous avertir, et M. Léoteau, chapeau bas, me conduisit jusqu'à la porte de l'honnête demeure et me dit, en me laissant aux mains du geôlier et de ses aides, « Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Au plaisir de vous revoir. » La porte d'entrée se referma sur moi. Précédé du geôlier qui tenait les clés et de ses deux garçons qui me suivaient pour m'empêcher de rebrousser chemin, j'arrivais par un étroit escalier au deuxième étage. Un petit corridor noir me conduisit à une porte. Le guichetier l'ouvrit, j'entrai, après lui, dans ma case. Il me demanda si je n'avais besoin de rien. Je lui répondis que je déjeunerais dans une heure. Il m'avertit qu'il y avait un café et un restaurateur qui fournissaient aux prisonniers tout ce qu'ils désiraient pour leur argent. Je priai mon gardien de me faire apporter du thé et, s'il le pouvait, de l'eau chaude et froide et des serviettes. Je lui donnai 20 francs d'avance. Il se retira respectueusement en me promettant de revenir. Resté seul, je fis l'inspection de mon bouge. Il était un peu plus long que large, et sa hauteur pouvait être de 7 à 8 pieds. Les cloisons, tachées et nues, était barbouillé de la prose et des vers de mes devanciers, et surtout du griffonnage d'une femme qui disait force injures au juste milieu. Un grabat à drap sale occupait la moitié de ma loge. Une planche, supportée par deux tasseaux, placée contre le mur, à deux pieds au-dessus du grabat, servait d'armoire au linge, aux bottes et aux souliers des détenus. Une chaise et un meuble infâme composaient le reste de l'ameublement. Mon fidèle gardien m'apporta les serviettes et les cruches d'eau que je lui avais demandées. Je le suppliai d'ôter du lit les draps sales, la couverture de laine jaunie, d'enlever le seau qui me suffoquait et de balayer mon bouge après l'avoir arrosé. Toutes les œuvres du juste milieu étant emportées, je me fis la barbe. Je m'inondai des flots de ma cruche, je changeai de linge. Madame de Chateaubriand m'avait envoyé un petit paquet. Je rangeai sur la planche, au-dessus du lit, toutes mes affaires, comme dans la cabine d'un vaisseau. Quand cela fut fait, mon déjeuner arriva, et je pris mon thé sur ma table bien lavée, que je recouvris d'une serviette blanche. On vint bientôt chercher les ustensiles de mon festin matinal, et on me laissa seul, dûment enfermé. Ma loge n'était éclairée que par une fenêtre grillée, qui s'ouvrait fort haut. Je plaçai ma table sous cette fenêtre, et je montai sur cette table pour respirer et jouir de la lumière. À travers les barreaux de ma cage à voleurs, je n'apercevais qu'une cour, ou plutôt un passage sombre et étroit, des bâtiments noirs autour desquels tremblotaient des chauves-souris. J'entendais le cliquetis des clés et des chaînes, le bruit des sergents de ville et des espions, le pas des soldats, le mouvement des armes, les cris, les rires, les chansons dévergondées des prisonniers, mes voisins, les hurlements de Benoît condamné à mort comme meurtrier de sa mère et de son obscène ami. Je distinguais ces mots de Benoît entre les exclamations confuses de la peur et du repentir. « Ah, ma mère, ma pauvre mère !» Je voyais l'envers de la société, les plaies de l'humanité, les hideuses machines qui font mouvoir ce monde. Je remercie les hommes de lettres, grands partisans de la liberté de la presse, qui naguère m'avaient pris pour leur chef et combattaient sous mes ordres. Sans eux, j'aurais quitté la vie sans savoir ce que c'était que la prison, et cette épreuve-là m'aurait manqué. Je reconnais à cette attention délicate le génie, la bonté, la générosité, l'honneur, le courage des hommes de plume en place. Mais après tout, qu'est-ce que cette courte épreuve ? Le Tasse a passé des années dans un cachot, et je me plaindrai ? Non, je n'ai pas le fol orgueil de mesurer mes contrariétés de quelques heures avec les sacrifices prolongés des immortelles victimes dont l'histoire a conservé les noms. Au surplus, je n'étais point du tout malheureux. Le génie de mes grandeurs passées et de ma gloire âgée de 30 ans ne m'apparut point. Mais ma muse d'autrefois, bien pauvre, bien ignorée, vint rayonnante m'embrasser par ma fenêtre. Elle était charmée de mon gîte et tout inspirée. Elle me retrouvait comme elle m'avait vu dans ma misère à Londres, lorsque les premiers songes de René flottaient dans ma tête. Qu'allions-nous faire, la solitaire Dupin des mois ? Une chanson, à l'instar de ce pauvre poète Loveless qui, dans les geôles des communes anglaises, chantait le roi Charles Ier, son maître ? Non. La voix d'un prisonnier m'aurait semblé de mauvais augure pour mon petit roi Henri V. C'est du pied de l'autel qu'il faut adresser des hymnes au malheur. Je ne chantais donc point la couronne tombée d'un front innocent. Je me contentais de dire une autre couronne, blanche aussi, déposée sur le cercueil d'une jeune fille. Je me souvins d'Elisa Frizel, que j'avais vue enterrer la veille dans le cimetière de Passy. Je commençai quelques vers élégiaques d'une épitaphe latine, mais voilà que la quantité d'un mot m'embarrassa. Vite, je saute au bas de la table, où j'étais juché, appuyé contre les barreaux de la fenêtre, et je cours frapper de grands coups de poing dans ma porte. Les cavernes d'alentour retentirent, le geôlier monte épouvanté, suivi de deux gendarmes. Il ouvre mon guichet et je lui crie comme aurait fait Santeuil « Un gradus, un gradus !» Le geôlier écarquillait les yeux. Les gendarmes croyaient que je révélais le nom d'un de mes complices. Il m'aurait mis volontiers les poucettes. Je m'expliquais, je donnais de l'argent pour acheter le livre et on alla demander un gradus à la police étonnée. Tandis que l'on s'occupait de ma commission, je regrimpais sur ma table et, changeant d'idée sur ce trépied, je me mis à composer des strophes sur la mort d'Élisa. Mais, au milieu de mon inspiration vers 3 heures, voilà que des huissiers entrent dans ma cellule et m'appréhendent au corps sur les rives du Permès. Il me conduit chez le juge d'instruction qui instrumentait dans un greffe obscur en face de ma geôle de l'autre côté de la cour. Le juge, jeune Robin, fat et gourmé, m'adresse les questions d'usage sur mes noms, prénoms, âge, demeure. Je refusais de répondre et de signer quoi que ce fût, ne reconnaissant point l'autorité politique d'un gouvernement qui n'avait pour lui ni l'ancien droit héréditaire, ni l'élection du peuple, puisque la France n'avait point été consultée et qu'aucun congrès national n'avait été assemblé. Je fus reconduit à ma souricière. À 6 heures, on m'apporta mon dîner et je continuai à tourner et à retourner dans ma tête les vers de mes stances, improvisant quand et quand un air qui me semblait charmant. Madame de Chateaubriand m'envoya un matelas, un traversin, des draps, une couverture de coton, des bougies et les livres que je lis la nuit. Je fis mon ménage et, toujours chantonnant, il descend le cercueil et les roses s'entachent. Ma romance de la jeune fille et de la jeune fleur se trouva faite. Il descend le cercueil et les roses s'entachent. Quimper y déposa, tribu de sa douleur. Terre, tu les portas, et maintenant tu caches, jeune fille et jeune fleur. Ah, ne les rends jamais à ce monde profane, à ce monde de deuil, d'angoisse et de malheur. Le vent brise et flétrit, le soleil brûle et fane, jeune fille et jeune fleur. Tu dors, pauvre Elisa, si légère d'année. Tu ne sens plus du jour le poids et la chaleur. Vous avez achevé vos fraîches matinées, jeune fille et jeune fleur. Mais ton père, Elisa, sur la tombe s'incline, de ton front jusqu'au sien a monté la pâleur. Vieux chêne, le temps a fauché sur ta racine, jeune fille et jeune fleur. Je commençais à me déshabiller, un bruit de voix se fit entendre. Ma porte s'ouvre et monsieur le préfet de police, accompagné de monsieur Ney, se présente. Il me fit 1000 excuses de la prolongation de ma détention au dépôt. Il m'apprit que mes amis, le duc de Fitz-James et le baron Hyde de Neuville, avaient été arrêtés comme moi, et que dans l'encombrement de la préfecture, on ne savait où placer les personnes que la justice croyait devoir interpeller. « Mais, ajouta-t-il, vous allez venir chez moi, monsieur le vicomte, et vous choisirez dans mon appartement ce qui vous conviendra le mieux. » Je le remerciai et je le priai de me laisser dans mon trou. J'en étais déjà tout charmé, comme un moine de sa cellule. Monsieur le préfet se refusa à mes instances et il me fallut dénicher. Je revis les salons que j'avais quittés depuis le jour où monsieur le préfet de police de Bonaparte m'avait fait venir pour m'inviter à m'éloigner de Paris. Monsieur Gisquet et madame Gisquet m'ouvrirent toutes leurs chambres en me priant de désigner celle que je voudrais occuper. Monsieur Ney me proposa de me céder la sienne. J'étais confus de tant de politesse. J'acceptai une petite pièce écartée qui donnait sur le jardin et qui, je crois, servait de cabinet de toilette à mademoiselle Gisquet. On me permit de garder mon domestique qui coucha sur un matelas en dehors de ma porte à l'entrée d'un étroit escalier plongeant dans le grand appartement de madame Gisquet. Un autre escalier conduisait au jardin, mais celui-là me fut interdit, et chaque soir on plaçait une sentinelle, au bas, contre la grille qui sépare le jardin du quai. Madame Gisquet est la meilleure femme du monde, et mademoiselle Gisquet est très jolie et fort bonne musicienne. Je n'ai qu'à me louer des soins de mes hôtes, ils semblaient vouloir expier les 12 heures de ma première réclusion. Le lendemain de mon installation dans le cabinet de mademoiselle Gisquet, je me levai tout content en me souvenant de la chanson d'Anacréon sur la toilette d'une jeune grecque. Je mis la tête à la fenêtre, j'aperçus un petit jardin bien vert, un grand mur masqué par un vernis du Japon. À droite, au fond du jardin, des bureaux où l'on entrevoyait d'agréables commis de la police comme de belles nymphes parmi des lilas. À gauche, le quai de la Seine, la rivière et un coin du vieux Paris dans la paroisse de Saint-André-des-Arcs. Le son du piano de mademoiselle Gisquet parvenait jusqu'à moi avec la voix des mouchards qui demandaient quelques chefs de division pour faire leur rapport. Comme tout change dans ce monde. Ce petit jardin anglais romantique de la police était un lambeau déchiré et biscornu du jardin français, à charmilles taillées au ciseau, de l'hôtel du premier président de Paris. Cet ancien jardin occupait en 1580 l'emplacement de ce paquet de maisons qui borne la vue au nord et au couchant, et il s'étendait jusqu'au bord de la Seine. Ce fut là qu'après la journée des barricades, le duc de Guise vint visiter Achille de Harlay. Il trouva le premier président qui se pourmonnoie dans son jardin, lequel s'estonna si peu de sa venue qu'il ne daigna seulement pas tourner la tête ni discontinuer sa pourmenade commencée, laquelle achevée qu'elle fut, et estant au bout de son allée, il retourna, et en retournant il vit le duc de Guise qui venoit à lui. Alors ce grave magistrat, haussant la voix, lui dit « C'est grand pitié que le valet chasse le maître. Au reste, mon âme est à Dieu, mon cœur est à mon roi, et mon corps est entre les mains des méchants. Qu'on en fasse ce qu'on en voudra. » L'Achille de Harlay, qui se pourmène aujourd'hui dans ce jardin, est M. Vidocq, et le duc de Guise, Coco la Cour. Nous avons changé les grands hommes pour les grands principes. Comme nous sommes libres maintenant, comme j'étais libre, surtout, à ma fenêtre, témoin de ce bon gendarme en faction au bas de mon escalier, et qui se préparait à me tirer au vol s'il m'eût poussé des ailes. Il n'y avait pas de rossignol dans mon jardin, mais il y avait beaucoup de moineaux, fringants, effrontés et querelleurs, que l'on trouve partout à la campagne, à la ville, dans les palais, dans les prisons, et qui se perchent tout aussi gaiement sur l'instrument de mort que sur un rosier. À qui peut s'envoler, qu'importe les souffrances de la terre. Madame de Chateaubriand obtint la permission de me voir. Elle avait passé 13 mois sous la terreur dans les prisons de Rennes avec mes deux sœurs Lucille et Julie. Son imagination, restée frappée, ne peut plus supporter l'idée d'une prison. Ma pauvre femme eut une violente attaque de nerfs en entrant à la préfecture, et ce fut une obligation de plus que j'eus au juste milieu. Le second jour de ma détention, le juge d'instruction, le sieur Desmortiers, m'arriva accompagné de son greffier. M. Guizot avait fait nommer procureur général à la cour royale de Rennes un M. Hélot, écrivain, et par conséquent envieux et irritable, comme tout ce qui barbouille du papier dans un parti triomphant. Le protégé de M. Guizot, trouvant mon nom et ceux de M. le duc de Fitz-James et de M. de Haye de Neuville mêlés dans le procès que l'on poursuivait à Nantes contre M. Berryer, écrivit au ministre de la Justice que, s'il était le maître, il ne manquerait pas de nous faire arrêter et de nous joindre au procès, à la fois comme complice et comme pièce à conviction. M. de Montalivet avait cru devoir céder aux avis de M. Hélot. Il fut un temps où M. de Montalivet venait humblement chez moi prendre mes conseils et mes idées sur les élections et la liberté de la presse. La Restauration, qui a fait un père de M. de Montalivet, n'a pu en faire un homme d'esprit, et voilà sans doute pourquoi elle lui fait mal au cœur aujourd'hui. M. Desmortiers, le juge d'instruction, entra donc dans ma petite chambre. Un air doucereux était étendu comme une couche de miel sur un visage contracté et violent. « Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis huissier à Verges en dépit de l'envie. » M. Desmortiers était naguère de la congrégation. Grand communiant, grand légitimiste, grand partisan des ordonnances, est devenu forcené juste milieu. Je priais cet animal de s'asseoir avec toute la politesse de l'ancien régime. Je lui approchai un fauteuil, je mis devant son greffier une petite table, une plume et de l'encre. Je m'assis en face de M. Desmortiers et il me lut d'une voix bénigne les petites accusations qui, dûment prouvées, m'auraient tendrement fait couper le cou. Après quoi, il passa aux interrogations. Je déclarai de nouveau que, ne reconnaissant point l'ordre politique existant, je n'avais rien à répondre, que je ne signerais rien, que tous ces procédés judiciaires étaient superflus, qu'on pouvait s'en épargner la peine et passer outre, que je serais du reste toujours charmé d'avoir l'honneur de recevoir M. Desmortiers. Je vis que cette manière d'agir mettait en fureur le saint homme, qu'ayant partagé mes opinions, ma conduite lui semblait une satire de la sienne. À ce ressentiment se mêlait l'orgueil du magistrat qui se croyait blessé dans ses fonctions. Il voulut raisonner avec moi. Je ne pus jamais lui faire comprendre la différence qui existe entre l'ordre social et l'ordre politique. Je me soumettais, lui dis-je, au premier, parce qu'il est de droit naturel. J'obéissais aux lois civiles, militaires et financières, aux lois de police et d'ordre public. Mais je ne devais obéissance au droit politique qu'autant que ce droit émanait de l'autorité royale consacrée par les siècles ou dérivait de la souveraineté du peuple. Je n'étais pas assez niais ou assez faux pour croire que le peuple avait été convoqué, consulté, et que l'ordre politique établi était le résultat d'un arrêt national. Si l'on me faisait un procès pour vol, meurtre, incendie et autres crimes et délits sociaux, je répondrais à la justice. Mais quand on m'intentait un procès politique, je n'avais rien à répondre à une autorité qui n'avait aucun pouvoir légal, et par conséquent, rien à me demander. 15 jours s'écoulèrent de la sorte. Monsieur Desmortiers, dont j'avais appris les fureurs, fureurs qu'il tâchait de communiquer au juge, m'abordait d'un air confit, me disant « Vous ne voulez pas me dire votre illustre nom ?» Dans un des interrogatoires, il me lut une lettre de Charles X au duc de Fitz-James, et où se trouvait une phrase honorable pour moi. « Eh bien, monsieur, lui dis-je, que signifie cette lettre ? Il est notoire que je suis resté fidèle à mon vieux roi, que je n'ai pas prêté serment à Philippe. Au surplus, je suis vivement touché de la lettre de mon souverain exilé. Dans le cours de ses prospérités, il ne m'a jamais rien dit de semblable, et cette phrase me paye de tous mes services. » Madame Récamier, à qui tant de prisonniers ont dû consolation et délivrance, se fit conduire à ma nouvelle retraite. Monsieur de Béranger descendit de Passy pour me dire en chanson, sous le règne de ses amis, ce qui se pratiquait dans les geôles au temps des miens. Il ne pouvait plus me jeter au nez la restauration. Mon gros vieux ami, M. Bertin, vint m'administrer les sacrements ministériels. Une femme, enthousiaste, accourut de Beauvais afin d'admirer ma gloire. M. Villemain fit acte de courage. M. Dubois, M. Ampère, M. Lenormand, mes généreux et savants jeunes amis, ne m'oublièrent pas. L'avocat des Républicains, M. C.H. Ledru, ne me quittait plus. Dans l'espoir d'un procès, il grossissait l'affaire et il eût payé de tous ses honoraires le bonheur de me défendre. M. Gisquet m'avait offert, comme je vous l'ai dit, tous ses salons, mais je n'abusais pas de la permission. Seulement un soir, je descendis pour entendre, assis entre lui et sa femme, Mlle Gisquet jouer du piano. Son père la gronda et prétendit qu'elle avait exécuté sa sonate moins bien que de coutume. Ce petit concert, que mon hôte me donnait en famille, n'ayant que moi pour auditeur, était tout singulier. Pendant que cette scène toute pastorale se passait dans l'intimité du foyer, des sergents de ville m'amenaient du dehors des confrères à coups de crosse de fusil et de bâtons ferrés. Quelle paix et quelle harmonie régnaient pourtant au cœur de la police. J'eus le bonheur de faire accorder une faveur toute semblable à celle dont je jouissais. La faveur de la geôle à M. C.H. Philippon. Condamné pour son talent à quelques mois de détention, il est passé dans une maison de santé à Chaillot. Appelé en témoignage à Paris dans un procès, il profita de l'occasion et ne retourna pas à son gîte. Mais il s'en repentit. Dans le lieu où il se tenait caché, il ne pouvait plus voir à l'aise une enfant qu'il aimait. Il regrette sa prison, et ne sachant comment y rentrer, il m'écrivit la lettre suivante pour me prier de négocier cette affaire avec mon hôte. « Monsieur, vous êtes prisonnier, et vous me comprendriez, ne fussiez-vous pas Chateaubriand. Je suis prisonnier aussi, prisonnier volontaire depuis la mise en état de siège, chez un ami, chez un pauvre artiste comme moi. J'ai voulu fuir la justice des conseils de guerre dont j'étais menacé par la saisie de mon journal du 9 courant. Mais pour me cacher, il a fallu me priver des embrassements d'une enfant que j'idolâtre, d'une fille adoptive âgée de 5 ans, mon bonheur et ma joie. Cette privation est un supplice que je ne pourrai supporter plus longtemps. C'est la mort. Je vais me trahir, ils me jetteront à Sainte-Pélagie, où je ne verrai ma pauvre enfant que rarement, s'ils le veulent encore, et à des heures données, où je tremblerai pour sa santé et où je mourrai d'inquiétude si je ne la vois pas tous les jours. Je m'adresse à vous, monsieur, à vous, légitimiste, moi, républicain de tout cœur, à vous, homme grave et parlementaire, moi, caricaturiste et partisan de la plus âcre personnalité politique, à vous de qui je ne suis nullement connu et qui êtes prisonnier comme moi, pour obtenir de monsieur le préfet de police qu'il me laisse rentrer dans la maison de santé où l'on m'avait transféré. Je m'engage sur l'honneur à me présenter à la justice toutes les fois que j'en serai requis, et je renonce à me soustraire à quelque tribunal que ce soit si l'on veut me laisser avec ma pauvre enfant. Vous me croirez, vous, monsieur, quand je parle d'honneur, et que je jure de ne pas m'enfuir, et je suis persuadé que vous serez mon avocat, quoique les profonds politiques puissent voir là une nouvelle preuve d'alliance entre les légitimistes et les républicains, tous hommes dont les opinions s'accordent si bien. Si à un tel hôte, à un tel avocat, on refusait ce que je demande, je saurais que je n'ai plus rien à espérer, et je me verrais pour 9 mois séparé de ma pauvre Emma. Toujours, monsieur, quel que soit le résultat de votre généreuse intervention, ma reconnaissance n'en sera pas moins éternelle, car je ne douterai jamais des pressantes sollicitations que votre cœur va vous suggérer. Agréez, monsieur, l'expression de la plus sincère admiration, et croyez-moi votre très humble et très dévoué serviteur, C.H. Philippon, propriétaire de la caricature, journal, condamné à 13 mois de prison. Paris, le 21 juin 1832. J'obtins la faveur que M. Philippon demandait. Il me remercia par un billet qui prouve non la grandeur du service, lequel se réduisait à faire garder à Chaillot mon client par un gendarme, mais cette joie secrète des passions qui ne peut être bien comprise que par ceux qui l'ont véritablement sentie. « Monsieur, je pars pour Chaillot avec ma chère enfant. Je voudrais vous remercier, mais je sens les mots trop froids pour exprimer ce que j'éprouve de reconnaissance. J'ai eu raison de penser, monsieur, que votre cœur vous suggérait d'éloquentes instances. Je suis sûr de ne pas me tromper en croyant qu'il vous dira que je ne suis point ingrat et qu'il vous peindra mieux que je ne le ferai le trouble de bonheur où votre bonté m'a mis. » Agréez, je vous en prie, monsieur, mes très sincères remerciements, et daignez me croire le plus affectionné de vos serviteurs. Charles Philippon. À cette singulière marque de mon crédit, j'ajouterai cet étrange témoignage de ma renommée. Un jeune employé des bureaux de M. Gisquet m'adressa de très beaux vers qui me furent remis par M. Gisquet lui-même. Car, enfin, il faut être juste, si un gouvernement lettré m'attaquait ignoblement, les muses me défendaient noblement. M. Villemain se prononça en ma faveur avec courage, et dans le journal même des débats, mon gros ami Bertin protesta, en signant son article, contre mon arrestation. Voici ce que me dit le poète qui signe J. Chopin, employé au cabinet. À M. de Chateaubriand, à la préfecture de police. Un jour, admirant ton génie, j'osais te dédier des vers, et, comme un filet d'eau s'épanche au sein des mers, je portais ce tribut au dieu de l'harmonie. Aujourd'hui, l'infortune a passé sur ton front, toujours serein dans la tempête. Le présent fugitif, qu'est-ce pour le poète? Ta gloire restera, nos haines passeront. Ennemi généreux, ta voix mâle et puissante a prêté son charme à l'erreur. Mais ton éloquence entraînante fait toujours absoudre ton cœur. Naguère, un roi frappa ta noble indépendance. Tu fus grand devant sa rigueur. Il tombe, banni de la France. Tu ne vois plus que son malheur. Ah, qui pourrait sonder ton dévouement fidèle et forcer le torrent à détourner ses eaux? Mais lorsqu'un seul parti s'applaudit de ton zèle, ta gloire est à nous tous. Reprends donc tes pinceaux. J. Chopin, employé au cabinet. Mademoiselle Noémie, je suppose que c'est le prénom de Mademoiselle Gisquet, se promenait souvent seule dans le petit jardin, un livre à la main. Elle jetait à la dérobée un regard vers ma fenêtre. Qu'il eût été doux d'être délivré de mes fers comme servantesse par la fille de mon maître. Tandis que je prenais un air romantique, le beau et jeune monsieur Ney vint dissiper mon rêve. Je l'aperçus causant avec Mademoiselle Gisquet de cet air qui ne nous trompe pas, nous autres créateurs de sylphides. Je dégringolais de mes nuages, je fermais ma fenêtre, et j'abandonnais l'idée de laisser pousser ma moustache blanchie par le vent de l'adversité. Après 15 jours, une ordonnance de non-lieu me rendit la liberté, le 30 de juin, au grand bonheur de Madame de Chateaubriand, qui serait morte, je crois, si ma détention se fût prolongée. Elle vint me chercher dans un fiacre, je le remplis de mon petit bagage aussi lestement que j'étais jadis sorti du ministère, et je rentrai dans la rue d'enfer avec ce je ne sais quoi d'achevé que le malheur donne à la vertu. Si M. Gisquet allait par l'histoire à la postérité, peut-être y arriverait-il en assez mauvais état. Je désire que ce que je viens d'écrire de lui serve ici de contrepoids à une renommée ennemie. Je n'ai eu qu'à me louer de ses attentions et de son obligeance. Sans doute, si j'avais été condamné, il ne m'eût pas laissé échapper. Mais, enfin, lui et sa famille m'ont traité avec une convenance, un bon goût, un sentiment de ma position, de ce que j'étais et de ce que j'avais été, que n'ont point eu une administration lettrée et d'élégistes d'autant plus brutaux qu'ils agissaient contre le faible et qu'ils n'avaient pas peur. De tous les gouvernements qui se sont élevés en France depuis 40 années, celui de Philippe est le seul qui m'ait jeté dans la loge des bandits. Il a posé sur ma tête sa main, sur ma tête respectée même d'un conquérant irrité. Napoléon leva le bras et ne frappa pas. Pourquoi cette colère? Je vais vous le dire. J'ose protester en faveur du droit contre le fait, dans un pays où j'ai demandé la liberté sous l'Empire, la gloire sous la Restauration. Dans un pays où, solitaire, je compte non par frères, sœurs, enfants, joie, plaisir, mais par tombeau. Les derniers changements politiques m'ont séparé du reste de mes amis. Ceux-ci sont allés à la fortune et passent, tout engraissés de leur déshonneur, auprès de ma pauvreté. Ceux-là ont abandonné leurs foyers exposés aux insultes. Les générations si fort éprises de l'indépendance se sont vendues. Communes dans leur conduite, intolérables dans leur orgueil, médiocres ou folles dans leurs écrits, je n'attends de ces générations que le dédain et je le leur rends. Elles n'ont pas de quoi me comprendre. Elles ignorent la foi à la chose jurée, l'amour des institutions généreuses, le respect de ses propres opinions, le mépris du succès et de l'or, la félicité des sacrifices, le culte de la faiblesse et du malheur. Après l'ordonnance de non-lieu, il me restait un devoir à remplir. Le délit dont j'avais été prévenu se liait à celui pour lequel M. Berryer était en prévention à Nantes. Je n'avais pu m'expliquer avec le juge d'instruction, puisque je ne reconnais pas la compétence du tribunal. Pour réparer le dommage que pouvait avoir causé à M. Berryer mon silence, j'écrivis à M. le ministre de la Justice la lettre qu'on va lire et que je rendis publique par la voix des journaux. Paris, ce 3 juillet 1832. Monsieur le ministre de la Justice, permettez-moi de remplir auprès de vous, dans l'intérêt d'un homme trop longtemps privé de sa liberté, un devoir de conscience et d'honneur. Monsieur Berryer fils, interrogé par le juge d'instruction à Nantes, le 18 du mois dernier, a répondu qu'il avait vu Madame la Duchesse de Berry, qui lui avait soumis, avec le respect dû à son rang, à son courage et à ses malheurs, son opinion personnelle et celle d'honorables amis sur la situation actuelle de la France et sur les conséquences de la présence de son Altesse royale dans l'Ouest. Monsieur Berryer, développant avec son talent accoutumé ce vaste sujet, l'a résumé de la sorte. Toute guerre étrangère ou civile, en la supposant couronnée de succès, ne peut ni soumettre ni rallier les opinions. Questionné sur les honorables amis dont il venait de parler, M. Berryer a dit noblement que des hommes graves, lui ayant manifesté sur les circonstances présentes une opinion conforme à la sienne, il avait cru devoir appuyer son avis sur l'autorité du leur, mais qu'il ne les nommerait pas sans qu'ils y eussent consenti. Je suis, monsieur le ministre de la Justice, un de ces hommes consultés par M. Berryer. Non seulement j'ai approuvé son opinion, mais j'ai rédigé une note dans le sens de cette opinion même. Elle devait être remise à Madame la Duchesse de Berry dans le cas où cette princesse se trouva réellement sur le sol français, ce que je ne croyais pas. Cette première note n'étant pas signée, j'en écrivis une seconde, que je signai et par laquelle je suppliais encore plus instamment l'intrépide mère du petit-fils de Henri IV de quitter une patrie que tant de discordes ont déchirée. Telle est la déclaration que je devais à M. Berryer. Le véritable coupable, s'il y a coupable, c'est moi. Cette déclaration servira, j'espère, à la prompte délivrance du prisonnier de Nantes. Elle ne laissera peser que sur ma tête l'inculpation d'un fait, très innocent sans doute, mais dont, en dernier résultat, j'accepte toutes les conséquences. J'ai l'honneur d'être, etc., Chateaubriand, rue d'Enfer, Saint-Michel, numéro 84. Ayant écrit à M. le comte de Montalivet le 9 du mois dernier, pour une affaire relative à M. Berryer, M. le ministre de l'Intérieur ne crut pas même devoir me faire connaître qu'il avait reçu ma lettre. Comme il m'importe beaucoup de savoir le sort de celle que j'ai l'honneur d'écrire aujourd'hui à M. le ministre de la Justice, je lui serai infiniment obligé d'ordonner à ses bureaux de m'en accuser réception. Chateaubriand. La réponse de M. le ministre de la Justice ne se fit pas attendre. La voici. Paris le 3 juillet. Monsieur le Vicomte, la lettre que vous m'avez adressée, contenant des renseignements qui peuvent éclairer la justice, je la fais parvenir immédiatement au procureur du roi près le tribunal de Nantes, afin qu'elle soit jointe aux pièces de l'instruction commencée contre Monsieur Berryer. Je suis avec respect, etc., le garde des Sceaux, Barthes. Par cette réponse, M. Barthes se réservait gracieusement une nouvelle poursuite contre moi. Je me souviens des superbes dédains des grands hommes du juste milieu quand je laissais entrevoir la possibilité d'une violence exercée sur ma personne ou sur mes écrits. Ah, bon Dieu, pourquoi me parer d'un danger imaginaire? Qui s'embarrassait de mon opinion? Qui songeait à toucher à un seul de mes cheveux? Amés et Féaux du pot-au-feu, intrépides héros de la paix à tout prix, vous avez pourtant eu votre terreur de comptoir et de police, votre état de siège de Paris, vos 1000 procès de presse, vos commissions militaires pour condamner à mort l'auteur des cancans. Vous m'avez pourtant plongé dans vos geôles. La peine applicable à mon crime n'était rien moins que la peine capitale. Avec quel plaisir je vous livrerais ma tête si, jetée dans la balance de la justice, elle la faisait pencher du côté de l'honneur, de la gloire et de la liberté de ma patrie. Fin de la section 5.